L'actualité à Nancy et ailleurs. À Nancy, le jeudi 26 mars, à partir de 13h30, l'autre canal propose un après-midi musical dédié aux seniors entre ateliers, animations et concerts. Un temps fort porté aussi par des étudiants du CFA Opéra de Nancy-Lorraine. Nous accueillons en studio Arthur. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors, quand on parle de seniors, déjà, c'est quel âge ? Alors, seniors, on considère ça à partir de 65 ans. D'accord, bon, voilà. Tout va bien pour moi. Cet après-midi du jeudi 26 mars, comment est venue l'idée de l'organiser et avec l'autre canal ? En fait, moi, pour préciser, du coup, je suis étudiant au CFA des métiers des arts de la scène, donc à Nancy, en partenariat avec l'Opéra de Nancy-Lorraine. Et donc, chaque année, les étudiants de chaque promotion doivent faire un projet qu'on appelle projet tutoré, qui est un projet donc professionnalisant en lien avec une structure culturelle de Nancy. Et donc, je suis dans le projet en lien avec l'autre canal. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est d'organiser une après-midi autour du public senior. Donc, ça s'est préparé depuis de nombreux mois maintenant, j'imagine ? C'est ça, ouais, depuis septembre. Alors, quel va être le programme de cet après-midi du 26 mars ? Sur l'après-midi, de 13h30 jusqu'à 15h, on a deux ateliers avec deux rappeurs qui sont en fait artistes associés avec l'autre canal, donc qui sont accompagnés dans leur projet par l'autre canal. Donc deux ateliers, un atelier d'écriture poétique autour du rap et un atelier de MAO, donc musique assistée par ordinateur, pour pouvoir faire découvrir comment on fait, comment on compose aujourd'hui de la musique dans les musiques actuelles. Et ensuite, à partir de 15h, un temps plus convivial en fait de kermesse, donc avec des jeux, avec un bingo musical proposé pour les seniors. Et ensuite, à l'issue de ce temps de convivialité, il y a un concert d'une artiste, pareil, qui est associée à l'autre canal, en développement, à l'autre canal, Valentine Laurent, voilà, qui fait de la chanson française, un petit peu pop, donc ça jusque 17h30. Pourquoi, dans le cadre de vos études, c'est important de proposer un temps comme celui-ci, d'aller vers un public qui ne connaît pas forcément ? Alors, en fait, dans le cadre de nos études, on est tous en année d'alternance. Donc on a une partie cours et une partie en entreprise, chacun dans des entreprises culturelles différentes partout en France en fait. Ce projet tutoré nous permet en fait de nous retrouver en groupe et de faire une gestion de projet de A à Z. Donc on est 8 à chaque fois étudiants dans chacun des projets. Et là, l'autre canal voulait travailler avec nous sur le public senior, un public qui ne vient pas énormément à l'autre canal, qui est une scène de musique actuelle, donc qui est vraiment tournée autour de la jeunesse et qui a un public plutôt d'une trentaine d'années en fait environ. Donc voilà, proposer un projet autour de ce public-là pour amener un nouveau public, les amener à découvrir différemment d'autres lieux de Nancy. Et comment vous allez toucher ce public, justement, pour les amener à l'autre canal ? Alors, le lien, il se fait via des EHPAD, des résidences autonomie, aussi des associations dans Nancy. Donc, nous, on a fait une communication de manière générale avec l'autre canal, avec des affiches, des flyers, quelque chose de classique. Mais on a aussi appelé en interne, envoyé des mails, etc., pris contact avec toutes ces structures-là qui peuvent exister sur Nancy. Et donc, vous l'avez évoqué lors de la programmation donc, de cet après-midi, il va y avoir un atelier MAO avec deux rappeurs, on peut les citer ? Ouais, alors c'est Lobo L et Théma, qui sont un duo de rappeurs qui ont aussi leur carrière individuelle, mais qui travaillent souvent ensemble sur des ateliers avec des publics et notamment avec l'autre canal. Et notamment avec des seniors aussi, ou ce sera nouveau pour eux ? Non, tout à fait, ouais, ils travaillent souvent avec des EHPAD. En fait, on ne connaît pas forcément ce genre d'initiative, mais il y a pas mal de projets qui se font dans les EHPAD, dans les résidences autonomie, et avec ce public senior aussi. Vous avez évoqué un temps kermesse aussi, pourquoi cette ambiance-là ? Ouais, alors on voulait quelque chose d'assez convivial, et en fait, le public senior nous a amené à penser aussi au retour en enfance, et à jouer la musique, le jeu, la fête. Et donc, voilà, on a choisi ce thème de kermesse avec des jeux, avec un bingo musical. Le bingo, bien souvent, on le pense sous forme de chiffres, etc. Là, on l'a tourné autour de musique et on a essayé de choisir une programmation musicale qui va avec notre public, évidemment. Et la musique, il y en aura aussi avec Valentine Laurent, c'est ça ? Tout à fait, ouais, avec le concert de 16h30 à 17h30. Quand on est étudiant et qu'on se lance comme ça dans un projet tutoré cet après-midi du 26 mars, qu'est-ce qu'on apprend ? Alors on apprend plein de choses, on apprend déjà à travailler en groupe avec les autres, avec des gens qu'on ne connaît pas au début de l'année parce que c'est une formation sur un an, donc en fait on se découvre et en même temps on est lancé dans ce projet. On apprend aussi à travailler avec différents partenaires qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, l'autre canal. On apprend à essayer de toucher un public cible précis avec lequel on n'est pas forcément en contact non plus. Là, il y a forcément un gap générationnel qui est intéressant d'aller chercher et de voir comment nous, on va réussir à toucher ce public-là. Et ouais, voilà, la gestion de projet de manière générale, ça va du budget à l'organisation, à créer une feuille de route pour les artistes, des contrats, voilà, vraiment de A à Z. accompagné par l'autre canal. Et le 26 mars, vous aurez aussi un rôle ? Oui, bien sûr, nous on sera là toute la journée. En fait, le matin, ça concerne un public vraiment précis. On va dans une EHPAD faire ces mêmes ateliers le matin, l'EHPAD Notre Maison qui est juste à côté de l'autre canal. Et nous, toute la journée, on accompagne le public, on les accueille, on permet aussi d'animer notamment le bingo, on l'anime nous-mêmes, etc. Voilà, on est vraiment en accueil du public. Et pour des personnes qui souhaiteraient y participer, c'est encore possible ? Oui, tout à fait, sur le site de l'autre canal. Donc si vous cherchez la date dans Agenda sur le site de l'autre canal, le 26 mars, vous pouvez vous inscrire pour les ateliers. Et à partir de 15h, pour ce qui est bingo et le concert, c'est tout à fait gratuit, d'ailleurs pour les ateliers également. Et on peut s'inscrire et on peut aussi venir à partir de 15h à l'autre canal jeudi prochain. Et pour vous qui êtes étudiant, l'après ? L'après, alors l'après, déjà au niveau de ce projet-là, il est de faire un bilan, parce qu'on apprend vraiment la gestion de projet de A à Z, donc aussi faire un bilan de ce projet, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, etc. Et il est aussi pour nous de continuer notre année en alternance, donc de continuer à apprendre chacun, chacune dans nos structures ce métier et ces métiers des arts de la scène, mais aussi pouvoir avoir un lien avec une structure comme l'autre canal, et donc pouvoir aussi dans nos mémoires, à la fin de l'année, l'intégrer aussi dans notre parcours professionnel. Donc cet après-midi, ce sera le jeudi 26 mars, c'est à partir de 13h30 à l'autre canal. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour ce rendez-vous ? De la réussite, du monde, de l'amusement, voilà. Et un lien intergénérationnel qu'on espère fructifiant, positif. Merci Arthur. Merci beaucoup à vous. Et on se quitte en musique avec Valentine Laurent qui conclura cet après-midi senior en musique le 26 mars. Voici son titre, Pas envie. Demain, je ne veux pas travailler, trop dur, je préfère pas y penser. Du sport à la télé, non mais sérieux, de mon lit, je suis déjà essoufflée. Le pyjama est mon ami, mon cul reste collé à mon lit. Trouvez-moi une bonne raison d'enfiler un vrai pantalon. Prendre soin de moi, à quoi bon tout ça pour tomber sur un con. Matcher